Ça se commence tout seul, ouais. Le soir à l'abri des regards. T'as même pas écrit une ligne, tu penses déjà à l'heure de gloire. Tu te repasses en boucle les classiques qui t'ont marqué, en espérant un jour aussi que tu te fasses remarquer. De l'encre noire et des ratures, frère, j'ai tué mon Clairefontaine. Puis mes 15 ans, je rappe mes coups durs, moi qui rêvais de Clairefontaine. J'essaie d'écrire des choses sensées, pas là pour vous ambiancer. Toujours autofinancé, ouais, rappé, je suis fiancé. Je peins mes toiles avec des mots, je suis qu'un poète contemporain. Poteau, je te touche sans être homo, j'ai la plus belle plume du Haut-Rhin. En vrai, le son, c'est toute ma vie, je lui ai consacré tout mon temps, m'éloignant de ma famille, cherchant le pourquoi du comment. Quand la solitude me bordait, il m'a donné du réconfort. À l'heure où personne m'attendait, il m'a permis de rester fort. Dans les coups durs, il était là quand les factures voulaient me noyer. Je suis pas ingrat et j'oublie pas que sans lui, je payais plus mon loyer. Y'a de la sueur dans mes livres, des larmichettes à chaque master. Commercialement, ça sent le bide, lyricalement, ça pue murder. Leur son de merde, frérot, fait que je me sens de plus en plus fort. Pas du risson proche du zéro, moins cher du caviar au porc. Plus de secrets de polichinelle, arrêtez de jouer de la flûte. La voix du gain obsessionnel a fait que mon art suppute. Ne pensez pas que je ferai la pute. Pour ma rime, j'ai d'autres ambitions. Tomber de mes rêves, je crains plus les chutes. C'est le reflet de mon introspection. Le stylo relié au cœur, les mots sont mes battements. Chaque morceau, je gratte des heures. Pas de ceux qui écrivent des rimes bêtement. Poussé au-delà de mes limites, je dois vous délivrer de la frappe. Que ce soit de la cave ou du zénith, je le fais pour l'amour du rap. Put my heart in every track, snap, kill and I attack. Giving meaning to the sand, moving forward, can't look back. Gave my everything and more, gave my soul, give it all I got. I'd do anything and more, I'd do it all for the love of rap. I started writing, trying to rhyme away my tears. With every multi hitting clean cut, frying up my peers. Yo, they've been lying to your ears. I'm here to yell it in your face, I'm fucking lying, looking fierce. Funny, I don't know your name, yo, why you acting like we homies? I grinded every single night, so y'all but know me, not below me. Difference is I got a lot of respect, because I vow to be sick. I traded all for a lottery tick. So what you know about a risk? I gave my life to exist. My luck changed when I learned that all you have is what you made it. Create a pathway and never deviate it. Through every test, all the pain, all the moments of the fame. My life blessed, can't accept no less. Sight set up on the best, no threats. I love you hip-hop from the left of my chest. Le stylo relié au cœur, les mots sont mes battements. Chaque morceau, je gratte des heures. Pas de ceux qui écrivent des rimes bêtement. Poussé au-delà de mes limites, je dois vous délivrer de la frappe. Que ce soit de la cave ou du zénith, je le fais pour l'amour du rap. Put my heart in every track, snap, kill and I attack. Giving meaning to the sand, moving forward, can't look back. Gave my everything and more, gave my soul, give it all I got. I'd do anything and more, I'd do it all for the love of rap. Everything I wanted was gone when I awake. Made it everything I had, now I'm living out of state. Had a vision, had a dream, had a moment in the sound. When every failure, all my sadness turned right upside down. I made a promise to myself, made a promise to the game. Ain't no way to fucking stop me, ain't no way to even aim. I can't be tamed, I can't be beat. I just teach lame rappers on the couch, I'm on my campaign speech. J'avais envie de prouver au monde que mes paroles pouvaient toucher. 13 ans plus tard, j'ai fait le travail d'un bête de ce que j'ai accouché. Quand les autres sortaient en boîte, je restais chez moi pour gratter. L'apprentissage ne fut pas simple, bien sûr qu'il y a eu des ratés. J'ai tout donné pour ma musique, je connais le goût du sacrifice. Je me suis même endetté pour elle, sans penser aux bénéfices. J'aimerais que le succès m'estime, enfin avant que la mort m'attrape. Check mon album, c'est millésime, je l'ai fait pour l'amour du rap. Le stylo relié au cœur, les mots sont mes battements. Chaque morceau, je gratte des heures. Pas de ceux qui écrivent des rimes bêtement. Poussé au-delà de mes limites, je dois vous délivrer de la frappe. Que ce soit de la cave ou du zénith, je le fais pour l'amour du rap. Put my heart in every track, snap, kill and I attack. Giving meaning to the sand, moving forward, can't look back. Gave my everything and more, gave my soul, give it all I got. I'd do anything and more, I'd do it all for the love of rap. Le stylo relié au cœur, les mots sont mes battements. Chaque morceau, je gratte des heures. Pas de ceux qui écrivent des rimes bêtement. Poussé au-delà de mes limites, je dois vous délivrer de la frappe. Que ce soit de la cave ou du zénith, je le fais pour l'amour du rap. Put my heart in every track, snap, kill and I attack. Giving meaning to the sand, moving forward, can't look back. Gave my everything and more, gave my soul, give it all I got. I'd do anything and more, I'd do it all for the love of rap. Pour l'amour du rap, frérot, millésime, on est là ou pas? Atomic, Miami, for the love of rap. Pour l'amour du rap, France, Canada, Mulhouse Connection. C'est du vrai ça. Ottawa, baby. Bah ouais. Drama Squad, we out here. Mulhouse, Ottawa. Let's go. Millésime, frérot. And that's a motherfucking rap. Pour l'amour du rap. Real shit.